الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. Notre cheikh en date du 24 décembre 89 a dit « Allah tabaraka wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ulaika alladhina hada Allahu fabihudahu muqtadih » dans sourate Al-An'am, le verset numéro 90. Le sens de ce verset est que Allah tabaraka wa ta'ala, après la mention d'un certain nombre de prophètes, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de les prendre pour modèle. Allah a mentionné un certain nombre de prophètes et il a ordonné de les prendre pour modèle. Qu'est-ce qui est visé par l'iqtida ici dans ce verset? C'est de prendre les prophètes pour modèle dans leur croyance. Dans les fondements de la croyance. Dans l'excellence de comportement. Et dans les lois. La croyance, les fondements de la croyance, l'excellence de comportement et les lois. Excepté ce qui a été abrogé dans la loi d'un prophète antérieur. Dans ce cas, il n'est plus un devoir de le suivre en ce qui a été abrogé. Qu'est-ce que ça veut dire abrogé? Abrogé, c'est-à-dire la fin de l'application d'un jugement et le début d'application d'un autre. Donc il y a des jugements qui sont abrogés dans la loi d'un prophète par la loi d'un autre. Donc, lorsque la loi comporte l'abrogation d'un jugement, il n'est plus un devoir de suivre les prophètes dans ce qui a été abrogé. Lorsque la loi comporte l'abrogation, c'est-à-dire la fin de l'application d'un jugement dans la loi d'un prophète antérieur, il n'est plus un devoir de le suivre dans ce qui a été abrogé. Et parmi les traditions de ces prophètes, parmi les traditions, les sunnas, c'est-à-dire ce que ces prophètes ont instauré, parmi les traditions de ces prophètes, et ce qui est également une tradition de notre prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, il y a le fait de délaisser le superflu. En arabe, le tana'oum. Le fait de délaisser le superflu. Qu'est-ce que le tana'oum? Qu'est-ce que le superflu? Le superflu, c'est de profiter à large échelle des plaisirs, des choses qui sont délicieuses ou qui te ramènent un plaisir. Que ce soit la nourriture, ou encore les boissons, ou les vêtements, quand c'est la personne cherche à en avoir par vanité. Délaisser le superflu, c'est la tradition des prophètes. Même les prophètes qui étaient riches, comme Sulaiman, eux aussi, ils ne veillaient pas, ils ne cherchaient pas le superflu. Il a été parvenu dans la description de Isa, alayhi salam, que Isa portait des vêtements de laine qui n'étaient pas travaillés, de laine brute. Et qu'eux, ils consommaient des fruits de la terre, c'est-à-dire des herbes qui poussaient sans que ce ne soit cuisiné, c'est-à-dire qui étaient sans avoir été cuisinées ou mélangées avec des épices, comme c'est le cas de beaucoup aujourd'hui. Donc, il mettait des vêtements de laine, une laine qui n'était pas industrialisée, c'est-à-dire n'est pas travaillée en fil, puis ce fil tissé en tissu. Non. C'était la laine en matière première. Et il consommait, lorsqu'il avait faim, des fruits de la terre, comme al-mulukhiya, la corette, ou l'handouba, ou l'khobiza. Ce sont des herbes et des plantes qu'il consommait directement. Notre maître, Muhammad, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il lui arrivait de manger parfois du pain et du vinaigre. Juste du pain qu'il trempait dans du vinaigre et il mangeait, c'est tout. Notre maître Muhammad, alayhi salatu wa sallam, qui est le meilleur de tous ceux que Allah a créés, il lui arrivait de manger du pain avec du vinaigre. C'est-à-dire sans qu'il n'y ait autre accompagnement pour le pain, si ce n'est le vinaigre. Et très souvent, il mangeait uniquement des dattes et de l'eau, lui et ses épouses. Il leur donnait leurs droits, mais malgré cela, elles se suffisaient comme lui de dattes et d'eau. Elles préféraient l'au-delà, ses épouses préféraient l'au-delà. Lui, il leur donnait ce qui est obligatoire, parce que vous savez qu'il y a, pour celui qui est à l'aise, qui est financièrement dans l'aisance, il doit deux mouds, deux pleins de mains jointes de la nourriture de base, la plus répandue du pays, du blé ou du riz par jour, à son épouse, avec l'accompagnement. Et celui qui n'est pas dans l'aisance, un seul mood, un seul plein de deux mains jointes. Et celui qui est dans une situation financière intermédiaire, un mood et demi. Donc lui, leur donnait leurs droits, mais elle voulait faire comme lui, elle se suffisait d'eau et de dattes. Elle donnait ce qu'il leur donnait comme charge obligatoire, elle le distribuait, et elle préférait s'habituer à une certaine rudeur dans la vie, dans la manière de vivre, en mangeant juste des dattes et de l'eau, ou ce qui est de cet ordre. Voici l'habitude des prophètes. Les savants qui sont spécialistes dans Al-Ma'ani, qui sont spécialistes dans l'éloquence, ils ont composé une phrase qui est belle, qui est une sorte de jeu de mots, mais qui est lourde de sens. Ils ont dit « Adat ou Sadat, Sadat ou l'Adat ».« Adat ou Sadat », c'est-à-dire les habitudes des maîtres. « Adat ou Sadat ». Et ils ont inversé, sadat ou l'adat. Adat ou sadat, les habitudes des maîtres. C'est qui les maîtres? Les prophètes et les saints. Sadat ou l'adat, ce sont les meilleures des habitudes, les meilleurs des comportements. Mais le Cheikh a dit, celui qui a son âme ne lui facilite pas de délaisser complètement le superflu. Si son âme ne lui facilite pas, il n'arrive pas à délaisser totalement le superflu. Alors qu'il en diminue, qu'il fasse en sorte de diminuer le superflu. Et le superflu est de deux sortes. Il y a un superflu avec ce qui est halal, ce qui est licite, de l'argent qui est licite, et avec cet argent qui est licite, la personne multiplie les sources de plaisir, les différentes sortes de nourriture, de boissons, de vêtements luxueux, des meubles, de jolis meubles à la maison. Si cela provient d'interdit, si ce n'est pas par vanité, si ce n'est pas par orgueil, cela est permis. Si ce n'est pas par orgueil, cela est permis. Ce n'est pas interdit. Cependant, le délaisser, l'abandonner, vaut mieux. Il vaut mieux délaisser cela, ne pas s'habituer à cela. Ce n'est pas un devoir de délaisser le superflu. Il est permis à la personne de jouir du superflu, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de plaisir à partir d'argent licite, que ce soit la nourriture, la boisson, les vêtements luxueux, les meubles luxueux, tout cela est permis tant que ce n'est pas par vanité. Tout cela est permis, c'est autorisé, ce n'est pas interdit, c'est permis. Tant que ce n'est pas par vanité. Par contre, si c'est par vanité, alors c'est interdit. Si c'est par vanité, c'est interdit. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se font construire de belles maisons par vanité. De même, ils essayent d'avoir des meubles par vanité, beaucoup de beaux meubles à la maison par vanité. C'est-à-dire pour que les gens les regardent avec un certain... pour qu'ils suscitent la convoitise des gens, pour que les gens disent « Ah, c'est beau ce qu'il a ». Lui, ça lui plaît, son âme, ça le, il tire de son âme se conforte dans cet éloge que les gens lui font. Donc ça, c'est par vanité, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Pour que les gens disent de lui, ah, ses vêtements sont beaux, il a toujours les dernières paires de baskets, ou il a de beaux vêtements, ou une belle maison. Donc, si c'est par vanité, pour que les gens le traitent avec respect pour ce qu'il a, ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Donc, le superflu qui est recherché pour la vanité, il est interdit. Ou si c'est un superflu que la personne obtient avec de l'argent qui est interdit. Ou si c'est du superflu que la personne obtient avec de l'argent qui est interdit, comme le cas de beaucoup de riches qui amassent leur fortune à partir de sources qui sont interdites, que Allah a interdites. Ces gens-là, le superflu dont ils profitent aujourd'hui sera une source de châtiment pour eux dans l'au-delà. Si quelqu'un y réfléchit un peu, à quoi ça sert d'avoir un peu de plaisir interdit maintenant, alors que le châtiment dans l'au-delà est très éprouvant, très douloureux. Celui qui est intelligent, il dit, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ce sera une source de châtiment pour eux. Maintenant, oui, ils profitent de ce superflu, mais ce sera un châtiment, un chagrin et une tristesse pour eux dans l'au-delà. Donc, quelles sont les deux conditions pour profiter du superflu? Donc, on a dit le superflu, il est halal dans certains cas. Quelles sont les deux conditions pour qu'il soit licite? C'est que l'argent avec lequel il s'est procuré ce superflu, il ait eu cet argent de source licite. Il a eu de source licite, et que le superflu dont il tire parti, le superflu qu'il pratique, n'est pas par vanité. Ce n'est pas par vanité qu'il a ce superflu. Ce n'est pas pour que les gens se mettent à parler de lui en disant « Ah, il a de beaux meubles, ou sa voiture elle est luxueuse, ou ce qui est de cet ordre. » Car cela serait par vanité. Par vanité, c'est interdit. Si Allah Ta'ala leur accordait rapidement le châtiment à ces gens-là qui mettent des vêtements par vanité, ou qui construisent de belles maisons par vanité, ou qui ont de belles montures, de belles voitures par vanité, si Allah leur accordait rapidement le châtiment, il l'aurait accordé dans le bas monde, avant l'au-delà. Mais Allah ne leur accorde pas ce châtiment rapidement. Allah leur retarde le châtiment. La plupart des gens, leur châtiment est retardé pour l'au-delà. Mais il se peut que Allah montre certains châtiments pour certains qui portent des vêtements par vanité. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a rapporté à propos de quelqu'un qui était dans une communauté antérieure à cette communauté, antérieure avant la communauté de notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il marchait avec un but de lui-même. Donc c'était quelqu'un qui avait une démarche où il était fier de lui-même. C'était par vanité. Il regardait des deux côtés, Il était content de ses vêtements, il était content de ses cheveux. Le fait avec la coiffure de ses cheveux, il était tout fier. Alors qu'il marchait ainsi, par vanité, par orgueil, Allah a ordonné la terre pour l'ensevelir. Allah a ordonné à la terre de l'ensevelir. La terre s'est ouverte et il est en train de s'enfoncer chaque jour il s'enfonce. Et c'est ça son châtiment jusqu'au jour du jugement. Jusqu'au jour du jugement. Maintenant encore, il est en train de s'enfoncer. Ceci est un exemple. Un exemple. Si Allah Ta'ala a voulu, faire de cet exemple-là une moralité, une source de moralité pour certaines personnes. Certains, Allah fait que quand ils voient ou ils entendent quelque chose, ça les touche et ils s'abstiennent de continuer dans leur erreur. Donc c'est l'histoire de cet homme, c'est une cause pour l'exhortation de certains qui en tirent la moralité. Ce qui est requis de la part du croyant, le musulman, qui est préoccupé par l'au-delà. Le croyant, son objectif principal, c'est l'au-delà. Le croyant, il considère ce bas-monde comme une étape. Le musulman, le croyant, il considère ce bas-monde comme une étape de passage pour la vie qui n'a pas de fin. Le musulman, le croyant, il considère que cette vie, maintenant, c'est une étape de passage pour la vie qui n'a pas de fin. Donc il convient de délaisser le superflu ou d'en diminuer. Il convient de délaisser le superflu ou d'en diminuer. Le cheikh a dit, s'il n'arrive pas à le délaisser complètement, qu'il en diminue. S'il n'arrive pas à le délaisser complètement, qu'il en diminue. Et parmi les choses qui empêchent de suivre le modèle des prophètes, parmi les choses qui empêchent de suivre le modèle des prophètes et le modèle des saints, des walis, il y a le fait de s'attacher à des choses inutiles, qui ne comportent pas d'intérêt. Parmi ce qui empêche la personne de suivre l'exemple des prophètes, de suivre l'exemple des saints, il y a le fait de s'attacher à des choses futiles, des choses qui ne comportent pas d'intérêt. Comme certains, ils passent leur temps à jouer des jeux vidéo. Certains, quand tu l'attires son attention, ils te disent, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je ne fais pas de haram. Et ce n'est pas... On n'a pas dit que tous les jeux de vidéo ne sont pas haram. Attention. D'accord? Mais supposons, s'il a une occupation qui n'est pas interdite, mais ce sont des choses qui vont te priver de t'attacher à la voix des prophètes et des saints. Il y a d'autres choses également qui te privent de suivre l'exemple des prophètes et des saints, comme certains qui fument la cigarette ou qui passent des soirées de chiche, de narguile. Ils te disent, mais moi je ne fais pas de haram, je me retrouve avec des copains, je passe du temps. Donc ce sont des choses qui empêchent la personne de suivre l'exemple des prophètes et des saints. Le cheikh a dit, la cigarette, il convient de l'arrêter. La cigarette, il convient de l'arrêter. Et l'argent que tu dépenses, même si tu as en plus, même si Allah t'a accordé, mais il n'empêche que tu es en train de dépenser de l'argent pour cette chicha ou cette narguile ou pour cette cigarette, si tu l'avais dépensé dans la voie du bien, dans la voie qu'Allah l'agrée, cet argent que tu dépenses dans la voie qu'Allah l'agrée, il se peut que Allah Ta'ala t'affranchisse grâce à cela du feu de l'enfer. Il se peut que, grâce à cet argent-là que tu, au lieu de le dépenser dans une cigarette, ou dans une chiche, ou dans je sais quoi d'autre, si tu le dépensais dans la voie qu'Allah agrée, comme de donner en aumône, ou de soutenir une activité en faveur des musulmans, une activité de bien, comme l'enseignement de la science, de la religion, il se peut que cela soit une cause pour que tu sois affranchi du feu de l'enfer. Il se peut que cela te soulage, te décharge de grands péchés des grands péchés qui te feraient mériter d'entrer en enfer. Car Allah Ta'ala, s'il veut affranchir certains de ses esclaves du feu de l'enfer, il se peut qu'il les affranchisse grâce à une aumône. Une aumône qui, pour de nombreuses personnes, ne représente pas grand-chose. Pour de nombreuses personnes, cette aumône peut sembler quelque chose de, qui n'est pas très très importante. Mais il se peut que grâce à cette aumône, Allah tabaraka wa ta'ala affranchisse quelqu'un qui commettait des grands péchés du feu de l'enfer. C'est pour cela, c'est à ce sujet que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة, c'est-à-dire protégez-vous du feu de l'enfer, préservez-vous du feu de l'enfer même en donnant aux aumônes la partie d'une date. Tu prends une date, tu la sépares et tu donnes cette partie-là aux aumônes. Il se peut que cette partie-là, peut-être que si tu vas pour essayer de la vendre, personne ne va te l'acheter. Mais si tu la donnes en aumône, c'est quelque chose qui te sera une cause pour échapper au feu de l'enfer. C'est-à-dire, il se peut que Allah Ta'ala affranchisse son esclave du feu de l'enfer, ce feu qu'il aurait mérité à cause de ses grands péchés, grâce à quoi Allah l'affranchit ? Grâce à la moitié d'une date. Grâce à la moitié d'une date. Lorsque la date provient de sources licites, lorsque la date provient de sources halal, il est que l'intention était bonne, que l'intention était de rechercher l'agrément de Allah. Il se peut que Allah affranchisse du feu de l'enfer l'esclave grâce à cette aumône qui n'est pas très de grande valeur, c'est-à-dire ça ne va pas lui coûter énormément. L'argent que la personne dépense pour la cigarette ou ce qui est de cet ordre, ou des choses qui sont en plus, si la personne les utilise dans les actes de bienfaisance, pour l'agrément de Allah Ta'ala, avec la sincérité, il se peut que Allah affranchisse du feu de l'enfer celui qui le méritait à cause de ses péchés. Allah tabaraka wa ta'ala a fait que la nourriture de l'être humain, c'est-à-dire ce qu'il mange, soit un exemple pour le bas-monde, c'est-à-dire une caractéristique du bas-monde. Cette nourriture que la personne va mettre du temps à préparer, la personne prépare, met beaucoup de temps pour préparer cette nourriture. Quelle sera la fin de cette nourriture? Après que la personne... Regardez les gens, combien la femme reste à la cuisine pour cuisiner, pour préparer, pour... Elle s'applique. Mais au bout du compte, cette nourriture, qu'est-ce qu'elle va devenir? La fin de cette nourriture, c'est quelque chose de répugnant. C'est quelque chose que l'âme déteste tellement ça a une mauvaise odeur. Quel que soit l'effort et l'application que la personne met pour préparer un plat, voilà la fin de ce plat. Eh bien, le bas-monde est à l'exemple de cette nourriture. Le bas-monde est à l'exemple de cette nourriture. Et ce qui se passe dans le bas-monde n'est pas uniquement... Ceci, ce que nous avons cité pour la nourriture, c'est le cas aussi pour les vêtements. À la fin, les vêtements seront jetés. Même les palais, tout ce qui est construit, au bout du compte, quelle que soit longue la durée de ces constructions, au bout du compte, c'est que ça tombera en ruine un jour ou l'autre. Et toutes les choses du bas-monde, tous les biens du bas-monde, vont ainsi avoir une fin, selon le cas, quelle est la durée. La nourriture, c'est rapide, les constructions peut-être un peu plus lentes, et ça dépend. Donc, qu'est-ce que le Cheikh donne comme conseil ? suivez les habitudes des meilleurs. اتبعوا عادات السادات. Suivez les habitudes des maîtres. C'est qui les maîtres? Ce sont les prophètes et les saints. Les maîtres, ce sont les prophètes et les saints. Ce sont eux les meilleurs. Et le Cheikh a dit, je vous recommande de diminuer le tana'um, le superflu, ou de l'abandonner, et de diminuer les paroles. Ne parlez pas beaucoup. Et là, quand il a dit les paroles, il y a plusieurs véhicules, supports pour la parole. Le support, le véhicule le plus courant qui vient à l'esprit lorsque nous disons parole, c'est la langue, c'est par la bouche. Mais il n'y a pas que ça, ce que tu écris aussi. Ça, c'est le même jugement. C'est le même jugement que la parole. Que tu l'écrives avec un stylo, ou avec un clavier, ou avec un téléphone, dans tous les cas, ce sont des paroles. Ne t'empresse pas de parler. Ne parle pas beaucoup. Notre maître, Ahmed al-Rifa'i, que Allah l'agré, il parlait peu. Notre maître, Ahmed al-Rifa'i, que Allah l'agré, il nous donne du renfort par sa cause. Il parlait peu. Et les vertueux avant lui également. Ils étaient ainsi. Ils étaient ainsi, ils ne parlaient pas beaucoup. Il avait parmi les compagnons du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon qui s'appelle Nafi' ibn Yazid, que Allah l'agré. Parmi les compagnons du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y en avait un qui s'appelait Nafi' ibn Yazid. Lorsque Nafi' ibn Yazid est mort, un des compagnons a fait son éloge funèbre. Un des compagnons lui a fait son éloge funèbre, qu'on appelle Rasahu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Rahimallahu Nafi' ibn Yazid. رحمة المبتغي ثواب الجهاد صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس قال قول السداد. Que Allah fasse miséricorde à Nafi' ibn Yazid. De la miséricorde de celui qui recherche les plus hauts degrés. Il a patienté et il était véridique lorsqu'il parlait. Lorsque les gens parlaient beaucoup, lui, il parlait toujours peu, mais bien. Donc, quel a été l'éloge qu'il a fait de lui? Il a dit qu'il était véridique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'attache à la véracité et à la patience. Il s'attache à la véracité, à la patience, et il parlait peu. Il a dit à son sujet, « Sabiran, sadiq al-hadithi idha ma aktharan nasu » Il patiente, et lorsque les gens parlent beaucoup, lui, il disait des paroles, peu de paroles, mais des paroles correctes, des paroles vraies. Il se limitait à cela, il ne parlait pas beaucoup. Et le Cheikh a dit, je vous recommande de diminuer les paroles de l'ordre de yajouz ou la yajouz, ou kofur, ou ce n'est pas de kofur. Diminuer les paroles de l'ordre, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est du kufr, ça ce n'est pas du kufr. Diminuer ces paroles, sauf lorsque vous avez vérifié. Lorsque vous avez vérifié et que c'est quelque chose à propos de laquelle vous avez reçu l'information par transmission. Sauf si vous avez vérifié et que c'est quelque chose à propos de laquelle vous avez reçu l'information par transmission. Dans ce cas-là, rapportez ce que il vous a été transmis. Mais si vous n'avez pas reçu de transmission, alors abstenez-vous de dire « Yajouz, la yajouz, kufr, laysa kufr ». Ne parlez pas de votre tête. Beaucoup de gens sont dérangés à cause de discussions dans des sujets sans vérification. Ce n'est pas tout ce qui est cité dans les livres qui est correct. Beaucoup d'ignorants, ils disent, mais c'est écrit dans tel livre. Est-ce que tu as reçu une transmission orale? Allah Ta'ala a fait que il nous a envoyé un prophète. Et le livre du prophète Muhammad, Allah le lui a révélé sur 23 ans, 23 années. Allah, s'il le voulait, il aurait fait descendre des livres imprimés chez chacun d'entre nous. Est-ce que c'est difficile pour Allah? Allah, il est sur toute chose tout puissant. C'est lui qui crée. Ce n'est pas l'imprimeur qui crée les livres. C'est Allah qui crée. S'il le voulait, il aurait fait que chacun d'entre nous reçoive un livre. Mais Allah a fait qu'il nous a envoyé un prophète. Et ce prophète a enseigné à des compagnons. Et les compagnons ont enseigné à d'autres. Pour nous apprendre la science par transmission dans des assemblées comme ça. Et ça, c'est la garantie pour pas que les gens lisent tout seuls. Parce que quand la personne a reçu une transmission, elle dit « ça, je l'ai entendu de mon cheikh. » Et mon cheikh l'a entendu de son cheikh. Et ainsi de suite avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au compagnon du prophète, alayhi mussalam. Donc que la personne fasse attention. Notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama al-ilmu bit-ta'allum wal-fiqhu bit-tafaqquh. » من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui fait apprendre la science de la religion. La science de la religion s'acquiert par transmission orale. La science de la religion s'acquiert par transmission orale. عادات السادات سادات العادات. Les habitudes des maîtres. Quelles étaient les maîtres, leur habitude dans l'apprentissage par transmission orale? Est-ce que vous avez entendu qu'un des savants, il avait lu dans des livres après les autres savants? Non. Les savants, ils ont appris par transmission orale auprès d'autres savants. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'information parvienne jusqu'à nous. Donc faites attention. Il y a beaucoup de livres dans lequel il y a des erreurs. Et supposons que le livre, il est parfait, il n'y a pas d'erreur, ce qui ce n'est pas quelque chose. Allah Ta'ala a fait que le Coran soit le livre parfait. Mais notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa parole est vérité. Mais d'autres que lui peuvent se tromper dans ce qu'ils disent, quel que soit son degré. Mais il y a erreur et erreur. Il y a des erreurs qui sont de la mécréance, il y a des erreurs qui sont de grands péchés, il y a des erreurs qui sont de petits péchés. Donc, même si tu trouves un livre qui est correct, il se peut que tu comprennes de travers. Tu as besoin d'un enseignant. Il se trouve dans certains livres d'ouvrages qui sont attribués à l'école Hanafite, l'école de l'imam Abu Hanifa, quoi Allah l'agré. Certains ont parlé de leur tête. Ils n'ont pas suivi la parole de l'école. Tellement ils discutaient, ils débattaient dans un sujet qu'ils ont parlé de leur tête. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une parole de mécréance. L'un d'entre eux, il a dit il est permis d'écrire la Fatiha avec de l'urine, avec du sang, si on sait qu'il y a une guérison en cela. Regardez, le fait de parler de leur tête, ça les a amenés à de la mécréance. On n'écrit pas le Coran avec une najasa. L'urine, c'est une najasa. Le sang, c'est une najasa. C'est-à-dire une substance impure selon la loi de l'islam. Comment quelqu'un prétendrait-il qu'écrire le Coran avec une najasa serait une cause de guérison? C'est quelqu'un qui l'a écrite dans son livre, et ce n'est pas quelque chose qui a été rapporté dans l'école. Pourquoi est-ce qu'il a été amené à le dire? Il est tombé dans l'apostasie, il est sorti de l'islam. Vous voyez, même si quelqu'un il a beaucoup de connaissances, il n'est pas préservé de sortir de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de l'islam? Sortir de l'islam, c'est dangereux. C'est-à-dire que s'il n'a pas abandonné son apostasie en prononçant les deux témoignages, il restera en enfer pour l'éternité. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا. il arrive à l'esclave de dire une parole dans laquelle il ne voit aucun mal, à cause de laquelle il chute en enfer, une distance de 70 ans. C'est-à-dire il arrive au fond de l'enfer à cause d'une parole dans laquelle il ne voit aucun mal. Donc cet homme, parce que il a parlé sans science, même s'il avait beaucoup de connaissances par ailleurs, il est tombé dans l'apostasie. Que Dieu nous en préserve. Et regardez combien de personnes, s'ils vont prendre son livre et ils vont croire ce qu'il a dit, ils vont le suivre. Vous voyez, c'est pour cela que tu as besoin d'un enseignant pour qu'il te montre. Oui, la Fatiha, si elle est écrite avec une encre qui est pure, il y a un profit, il y a un intérêt. Si la Fatiha est écrite avec une encre qui est pure, ça peut être une cause pour la guérison, par la volonté de Dieu. Que ce soit avec de l'encre, avec de l'eau, avec du safran ou autre. Alors pourquoi cet auteur, il a été amené à dire ce qu'il a dit, qu'il est permis d'écrire la Fatiha avec du sang et de l'urine si on sait qu'il y a la guérison? Le Cheikh a dit, j'ai vu cela écrit dans deux livres de Hanafite les plus récents, c'est-à-dire ceux qui sont venus après l'année 1000. Et ces deux-là ont repris ces paroles d'autres qu'eux, et ils reconnaissent que ce n'est pas l'avis de l'école, c'est-à-dire ce n'est pas de l'avis des imams de l'école Hanafite. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Celui qui dit qu'il est permis d'écrire la Fatiha avec de l'urine, il est mécréant. Et celui qui dit qu'il est permis de l'écrire avec du sang, si c'est par exemple comme du sang de menstrues ou en général dans l'absolu, il dit avec du sang sans restriction, là aussi il devient mécréant. Wal'iyadu billah. Al-Bayhaqi a rapporté dans le livre Al-Adab, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ سَيِّئَةً فَلْيُتْبِعَهَا بِالْحَسَنَةً. Si l'un d'entre vous commet une mauvaise action, qu'il fasse immédiatement après une bonne action. Si l'un d'entre vous fait une mauvaise action, qu'il la fasse suivre par une bonne action. Il a été dit au messager de Allah, est-ce que la parole « La ilaha illallah » compte comme une bonne action? Un compagnon a posé la question. Il a dit, est-ce que quand je dis « La ilaha illallah », regardez combien ça te prend. Que tu ne bouges même pas tes lèvres. « La ilaha illallah ». Est-ce que tu bouges tes lèvres? Non, c'est ta langue. On lui a posé la question, est-ce que c'est une bonne action? Qu'est-ce que le prophète a répondu? « Hiya ahsanul hasanat ».« Hiya ahsanul hasanat ». C'est-à-dire, parmi les meilleures des bonnes actions. On va expliquer. Parmi les bienfaits de Allah, tabaraka wa ta'ala, des bienfaits qu'il a accordés à la communauté de notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et que Allah pardonne à certains de cette communauté des grands et des petits péchés grâce à quelques bonnes actions. Allah pardonne des grands et des petits péchés grâce à quelques bonnes actions. Le grand péché, il se peut qu'il soit pardonné grâce à une bonne action. Tout comme le petit péché, il se peut qu'il soit effacé grâce à une bonne action. On ne dit pas que les grands péchés ne sont effacés que par le repentir. On ne dit pas que les grands péchés ne sont effacés que par le repentir. C'est-à-dire, c'est quoi le repentir? C'est le fait d'arrêter de commettre le péché, de regretter d'avoir commis le péché, et d'avoir la ferme volonté de ne pas le refaire. Le repentir, c'est trois choses. Arrêter de le commettre, regretter de l'avoir commis, et avoir la ferme volonté de ne plus le refaire. Donc cette règle n'est pas une règle générale, mais elle s'applique à certaines situations. Que le grand péché est pardonné par le repentir. Il se peut également que le grand péché soit pardonné par une bonne action. Il se peut que le grand péché soit pardonné par une bonne action. Tout comme cela est compris du hadith al-hasanatu, la bonne action, c'est en général, ça peut être une bonne action qui est lourde, qui est très très grande, et il se peut que ce soit une bonne action qui soit légère, quelque chose qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts. Il se peut que Allah pardonne à l'esclave grâce à une petite bonne action. Et grâce à une petite bonne action, Allah peut, s'il veut, il pardonne un grand péché. Mais on ne dit pas que chaque bonne action efface les péchés petits et grands. Lorsqu'il a été posé la question au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Amin al-hasanati, la ilaha illallah, est-ce que la ilaha illallah compte parmi les bonnes actions? Il a dit, Hiya ahsan al-hasanat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu, en priorité, elle efface les mauvaises actions. Cette phrase, prioritairement sur d'autres phrases, sur d'autres bonnes actions, efface les mauvaises actions. Cette phrase, prioritairement sur d'autres bonnes actions, efface les mauvaises actions. Pourquoi ? Parce que cette phrase, elle reflète quoi ? Elle reflète le tawhid. C'est la parole de la croyance en l'unicité de Dieu. Elle est meilleure des bonnes actions dans l'absolu. C'est la meilleure des bonnes actions dans l'absolu. C'est pour cela que celui qui tombe dans une désobéissance, celui qui tombe dans un péché, qu'il dise « La ilaha illallah » une fois ou plusieurs fois. Celui qui tombe dans un péché, qu'il dise « La ilaha illallah » une fois ou plusieurs fois. Il espère par cela que Allah lui pardonne ce péché. Il espère par cela que Allah lui pardonne son péché. Si tu tombes dans un péché, habitue-toi à dire « La ilaha illallah ». Il se peut que grâce à cela, Allah te pardonne de grands ou de petits péchés. La grâce de Allah est grande. Et tout cela, c'est-à-dire ses bienfaits, le fait que Allah pardonne même des grands péchés par une petite bonne action, comme tu dis « Subhanallah wa bihamdi », tu dis « Alhamdulillah », tu dis « La ilaha illallah », ça ne te demande pas beaucoup d'efforts. Il se peut que grâce à cela, Allah te pardonne des grands péchés. Mais tout cela, la condition, c'est quoi? C'est que la personne ait la bonne croyance. Pour que tu puisses bénéficier de tout cela, la condition, c'est que tu aies la bonne croyance. Quant à celui qui n'a pas la bonne croyance, aucune bonne action ne lui sera profitable. Celui qui n'a pas la bonne croyance, aucune bonne action ne lui sera profitable, même s'il est bienveillant avec ses parents, même s'il fait preuve de bien, de respect, il aide ses parents, il leur fait du bien, il écoute leurs paroles, même s'il fait la prière, l'image de la prière ou l'image du jeûne, s'il n'a pas la bonne croyance, ça ne lui sera d'aucune utilité, ça ne lui sera pas utile. Connaître Allah, c'est la base de l'islam. Allah n'accepte, n'agrée de son esclave un acte que si l'esclave a connu Allah. Qu'est-ce que ça veut dire connaître Allah, tout comme l'ont dit Ahlus Sunnah? Mahma tasawwarta bi balik, fallahu bi khilafi dhalik. Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah n'est pas ainsi. Cela veut dire que Allah n'est pas comme d'autres. Allah, l'être de Dieu, n'est pas comme les autres êtres. Allah n'est pas comme cet univers, d'aucune manière que ce soit. Il n'est pas un corps impalpable comme la lumière et le vent et l'âme. Et il n'est pas un corps qui est palpable comme l'être humain, les étoiles et la lune. Allah est exempt aussi de toutes les caractéristiques des créatures. Il est exempt, c'est-à-dire il n'est pas attribué des caractéristiques du monde palpable. Et il n'est pas attribué, il est exempt des caractéristiques du monde palpable. Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas un corps qui est tout petit, comme le grain de poussière, et il n'est pas un corps qui est grand comme l'arche, comme le trône. Et il n'est pas caractérisé par les caractéristiques du corps. Allah, il n'est pas encore. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Il n'est pas encore. Le corps a nécessairement une forme. Le corps, il a nécessairement une quantité, soit une petite ou une grande quantité. Ceci est l'explication de la parole de Allah. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Absolument rien n'est tel que lui. Celui qui a compris, il aura compris. Et celui qui n'a pas compris le sens de ce verset, il n'aura pas, il est ignorant de Dieu. Il n'a pas connu Dieu. Si Allah avait eu encore un volume, il aurait eu besoin de qui lui aurait donné ses dimensions. Le grain de poussière, ce n'est pas lui-même qui s'est créé avec cette taille. Et le trône, ce n'est pas lui qui s'est créé avec cette grande taille. Et les créatures qui ont des tailles intermédiaires également, ce ne sont pas elles qui se sont données les tailles qu'elles ont. La raison n'accepte pas qu'une chose se crée elle-même. Tout ce qui a un corps est dans une direction. Si Allah était un corps, il aurait eu besoin de qui l'a spécifié par ce corps. Le soleil, nous avons su qu'il est créé parce que le soleil a un corps. La raison n'accepte pas que ce soit le soleil qui se soit créé avec ce corps-là. La raison juge obligatoire que le créateur du soleil n'a pas de ressemblance avec le soleil. Dire qu'Allah est assis ou établi, c'est une insulte pour lui. Celui qui dit qu'Allah il est établi sur le trône, ou installé sur le trône, ou assis sur le trône, il a insulté Allah. Pourquoi? Parce qu'il l'aura comparé à ses créatures, parce qu'il l'aura assimilé à ses créatures. Le trône, si ce n'est Allah qui a fait qu'il soit fixe dans cet endroit où il se trouve, le trône serait tombé. Il se serait détruit. Il aurait détruit tout autre que lui. Les cieux également, si ce n'est Allah qui les a fixés dans ces endroits qu'ils ont, ces cieux seraient tombés également. Il a été rapporté du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la fikrata fi rabb. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis d'essayer d'imaginer Allah. Il n'est pas permis d'essayer d'imaginer Allah. Quelle que soit l'imagination de l'être humain, il ne pourra pas atteindre la réalité de Dieu. Cette parole, la fikrata fi rabb, rapportée du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été rapportée par Abu al-Qasim al-Ansari. Elle a été rapportée par Abu al-Qasim al-Ansari. Allah Ta'ala n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Allah est exempt de toute ressemblance avec ses créatures. Pour que la personne puisse bénéficier de cette grande récompense, à savoir qu'une bonne action pardonne même des grands péchés, il est une condition que la personne ait la bonne croyance. Apprenez cela à vos enfants, à vos frères et sœurs, à vos parents, que Allah existe sans endroit et qu'il est sans comment. Allah existe sans endroit, il n'a pas d'endroit, il est le créateur des endroits, il n'a pas besoin des endroits, il est sans direction. Allah n'a pas besoin de ses créatures, mais nous avons besoin de lui. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse miséricorde et qu'il nous accorde de mourir musulmans sur la foi complète. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم.